en hiérarchisation des contenus, les textes, qui se déclinent sur 8 degrés successifs. On va les faire ensemble. Le titre, qui est à l'extérieur de la salle. Le texte d'introduction de l'exposition avec un texte unique pour les deux parcours, mais qui sont bien identifiés avec des calligraphies différentes et qui spatialisent dès l'introduction les deux parcours qu'on va trouver quand on va passer ce texte, gauche et droite, et des vocabulaires qui ne sont pas les mêmes. Pour le parcours chronologique qui nous explique l'évolution de la vie et l'évolution de l'univers, on parle d'origine et on parle d'espèce. Pour les récits d'origine, on parle de création, et qui dit création dit créateur. Texte de partie, texte de thème, texte de sous-thème, et on arrive aux trois derniers niveaux. Là, on est au niveau du cartel. Chaque groupe d'objets est annoncé par, en tête de cartel, un texte pour l'ensemble du groupe de collection. L'identité de l'objet, qui va de sa date, de son époque, jusqu'à son numéro d'inventaire. Et surtout, une phrase de contextualisation qui nous explique pourquoi cet objet est là. Ça, c'est important parce que on peut se balader dans l'exposition, regarder simplement les grands textes de partie et de thème, et ensuite aller directement à l'objet, et vous ne trouvez pas normalement un objet sans savoir pourquoi il est là. Et vous n'êtes pas obligé de tous les faire. Mais si vous en faites 3 ou 4, vous comprenez l'expo. La hiérarchie des contenus, c'est aussi la hiérarchisation des objets. Là, je prends le plateau sur nos origines d'amniotes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un amphibien a cette capacité à sortir de l'eau pour pondre, il n'est plus obligé de pondre dans l'eau, et c'est ce qui va permettre de développer ces espèces au niveau des continents. Et la collection, eh bien, c'est cette grande invention qui est en bas, c'est l'œuf, l'œuf avec une coquille et avec le liquide, l'amnios à l'intérieur de l'œuf, qui va permettre justement cette conquête des continents. Et ça, c'est l'objet introductif. Ensuite, vous avez tous les objets du groupe, dont le Camarasaurus, ce dinosaure. Et puis, vous avez troisième niveau de collection, c'est des niveaux complémentaires. Là, par exemple, on va expliquer que certains de ces reptiles vont retourner à l'eau, le mosasaure, par exemple, ou vont, comme les ptérodactyles, avoir la capacité de voler. On va expliquer aussi que chez les mammifères, il se passe la même chose. Les audiovisuels aussi. Alors, on travaille une typologie justement au service des contenus pour dénouer cette complexité. Quand on vous parle de la théorie du Big Bang ou de l'expansion de l'univers, c'est pas simple au départ. Moi, il m'a fallu du temps pour comprendre. Donc après, quand on visite une exposition, on ne passe pas 12 ans sur un projet. Donc il faut trouver les mots et trouver les médias qui vont bien. Donc, une forme au service du fond. Ici, l'expansion de l'univers. Eh bien, l'expansion de l'univers, on a un écran d'une grande taille et on a des lunettes pour voir en relief. Pourquoi ? Parce que c'est un film 3D relief. Justement, parce que le 3D relief permet de mieux comprendre la structuration de l'univers plutôt qu'une image 2D. De l'hyperréalisme avec un écran globe, puisqu'à un moment donné, on parle de la formation de la Terre, aussi de l'hyperréalisme. Là, c'est il y a 65 millions d'années. La disparition des dinosaures à la suite d'un hypervolcanisme et d'une chute d'une météorite. Parfois, on a besoin d'incarner le discours par le savant, le sachant. Là, c'est Pierre Gibert qui nous redéfinit le mythe au 19e siècle. Il me reste 30 secondes. Je vais décaler de 2 minutes. Par exemple, ici, on est non pas sur l'expansion de l'univers, mais on est sur la théorie du Big Bang. C'est-à-dire que... Est-ce que vous connaissez le mur de Planck ? Oui, certains, pas tous. Bon, en gros, plus on regarde loin dans l'univers, plus on regarde loin dans le temps. Parce que au moment, il y a 300 000 ans, 300 000 ans, 10 minutes il me reste, 300 000 ans, c'est le découplage de la lumière et de la matière. Et à partir du moment où la matière est la lumière et l'énergie se découpent, on voit ce qui se passe dans l'univers. Mais on voit jusqu'à 300 000 ans. Après, on ne peut pas aller plus loin. Donc, de 300 000 ans jusqu'à aujourd'hui, l'expansion de l'univers, on peut le montrer dans une modélisation, puisque c'est les astronomes du commissariat à l'énergie atomique qui ont fait justement ce film. Mais avant, on est sur de la théorie. Si on met des images du réel, qu'est-ce qu'on fait croire au public ? Ben, on fait croire qu'on n'est plus dans de la théorie. Aujourd'hui, la théorie du Big Bang, certes, elle est la théorie la plus communément admise chez les astrophysiciens, mais vous avez d'autres théories que la théorie du Big Bang. Et tant qu'on n'a pas passé le mur de Planck, ça ne restera qu'une théorie. Donc on choisit plutôt un film avec des images qui ne sont pas des images du réel, mais qui sont d'une animation. Voilà. Exemple, quand sur les cartels, vous avez sur un plateau un squelette d'un fossile de tel animal. Quand vous regardez le fossile, vous ne voyez pas l'animal. Il faut être spécialiste quand même, parfois. Vous avez un grand cervidé du quaternaire, si, ouais, vous savez ce que c'est. Mais un reptile mammalien, c'est les reptiles qui étaient avant les dinosaures et qui sont nos ancêtres, en tout cas les ancêtres des mammifères. Quand vous regardez son crâne, vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière. Donc, on reconstitue sur le cartel l'image de l'animal. Mais quand vous reconstituez l'image de l'animal, qu'est-ce que vous reconstituez ? Vous reconstituez une forme, et la forme, les paléontologues, en étudiant les os, ils ne se trompent pas. Par contre, si vous mettez de la couleur, qu'est-ce que vous faites ? C'est-à-dire que vous allez chercher dans les espèces actuelles des couleurs qui ne sont peut-être pas forcément celles des reptiles de l'époque. D'ailleurs, vous allez regarder, il y a des grenouilles qui ont des couleurs bleues, oranges, puis vous faites des dinosaures avec des couleurs bleues, oranges. En gros, si on fait ça, on dépasse ce que les sciences connaissent de ces animaux. Donc, les scientifiques avec qui on a travaillé nous ont dit non, on va rester au niveau de la forme, monochrome, mais on ne met pas de la couleur. C'est pareil ici, on se met des limites pour ne pas faire croire au public qu'on en sait plus que ce qu'on en sait vraiment. On a des petits films d'animation sur les récits d'origine à travers les mythes. Là, la volonté, ça a été de colorer dans la culture justement qui produit ces mythes le film. Et puis par contre, on a des fois des choses comme celle-ci. Là, on est dans les mécanismes de l'évolution. Par exemple, si expliquer le dimorphisme qu'il y a entre les mâles et les femelles dans toutes les espèces, bon, ça c'est pas trop compliqué. Mais alors, aller expliquer l'entraide interspécifique, dit comme ça, c'est dur. En gros, l'entraide des mêmes membres d'une même espèce ou l'entraide d'espèces, d'individus d'espèces différentes. C'est plus compliqué. Alors là, on a le choix. On peut choisir des animaux que l'on connaît tous. Par exemple, on aurait pu faire le dimorphisme sexuel chez les éléphants. Si on choisit des animaux connus pour traiter cette question, on peut laisser croire au public que ce que l'on est en train de regarder ne se passe que chez les éléphants. Si vous choisissez des animaux imaginaires, c'est ce qu'on a fait, vous recentrez l'attention non pas sur l'animal qui n'est là qu'un objet expliquant le mécanisme, mais vous le recentrez sur le mécanisme lui-même. C'est ce qu'on a fait dans une série d'une douzaine de petits films sur les mécanismes, l'évolution. Là, on est sur du temps très long, c'est les épisodes de l'évolution de la vie. On choisit non pas du réalisme ou du décalé comme on l'a vu avant, on prend du linéaire, type dessin animé La Linéa, si vous voyez la référence. Avant, c'était plutôt les Shadok, la référence. Et là, pour le coup, on explique des choses qui sont un peu compliquées, parce que sur des temps très très longs. Quel contenu dans Origine au final ? J'ai fait ça, en fait, pour... Il y a un article qui m'a agacé il n'y a pas très longtemps, de quelqu'un qui disait qu'il n'y avait pas de contenu. Donc j'ai pris ma calculette et je me suis dit, et puis ça va nous servir finalement. Alors, dans Origine, il y a 392 objets, œuvres ou spécimens. En texte lu, possiblement, que vous pouvez lire dans l'exposition, ça correspond à 60 pages à 4. L'audio guide qui devrait être prêt dans quelques semaines, c'est 30 pages à 4. 32 productions audiovisuelles différentes. Ça représente 2h10. J'ai calculé en voix off. C'est l'équivalent de 35 pages. En gros, dans Origine, c'est un roman, livre de poche, édition livre de poche, c'est ça ma référence, de 245 pages. Donc il n'y a peut-être pas de contenu dans l'expo, mais un peu quand même. Et je pense que 245 pages, on ne les lit pas en une seule fois. Le musée des Confluents, c'est les expositions qu'on a faites, parce que c'est différents contenus qui s'emboîtent les uns dans les autres, mais que tout le monde peut comprendre. Ce sont des expositions qui sont faites pour revenir. Pour conclure, une exposition, c'est quoi ? C'est une question de rythme, c'est-à-dire que on traite des questions de rythme avec les collections, avec les textes, avec des zones de repos, avec des zones de diffusion sonore, des ambiances, de l'audiovisuel. C'est un emboîtement successif de sujets qui s'explorent dans la profondeur, je venais de le dire juste avant. C'est des niveaux d'emboîtement qui sont clairement identifiables par les publics. Merci beaucoup. Et c'est une liberté pour tous d'approfondir ou pas, en ouvrant les boîtes ou pas, mais quand on le fait, normalement, on devrait comprendre ce qui s'y trouve. Pour terminer, je reviens sur le modèle tribolique. Voici le buisson de l'évolution que vous pouvez voir dans Espèces et dans Origine, ces deux expositions du parcours permanent, en audiovisuel, voire en objet réel. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'une exposition ? Bah, c'est un buisson. Le public, on le met au centre de ce buisson et on le laisse déambuler dans ce buisson. On est un peu directif quand même. Il y a un parcours. Là, il y en a deux. Doubles qui se font face, qui se regardent, mais il y a une ligne. On est un peu directif, mais on essaye de ne pas le montrer. Voilà. Pour terminer, deux articles qu'on a commis en 2008 où on explique comment on a travaillé avec le comité scientifique. Si on avait mis un sous-titre, on aurait mis « La guerre des sciences aura-t-elle lieu ?» Eh bien non, même si ça n'a pas été simple au début, faut l'avouer. Et un deuxième où là, on explique plus l'écriture dans l'exposition. C'était paru à la documentation française à la suite d'un colloque, la fabrique du musée de sciences et sociétés. Je vous remercie. Si vous avez des questions...